C'est vrai que moi, par contre, je reste dans mes longueurs parce que j'aime faire mes longueurs. Après, si ça dérange, j'oblige personne à RP avec moi. Laure est une fan de natation. Pardon. Mon Dieu. Ah, j'étais obligée de la faire. Je n'osais pas la faire. Je l'ai fait pour toi. Salut à tous, on se retrouve pour cette première édition de Sans Contexte, l'édition un peu crash test de ce projet pour voir un peu ce qui va et ce qui va pas. Je m'excuse par avance pour toutes les petites coquilles, rires gênés ou autres blancs qu'il pourra y avoir. Ce soir, on est trois. Je suis avec Laure. Coucou. Et Camélia. Salut. Et j'aimerais que pour les prochaines éditions, on soit quatre. Mais allez, ce soir, j'ai préféré la qualité à la quantité. Je suis flattée. Je suis vraiment contente de faire ça avec vous, les filles, ce soir. Parce que Camélia, c'est celle qui m'a donné l'idée de ce projet. C'est même ton idée de base, donc je tenais à le dire. Et puis, Laure, c'est la première personne avec qui j'ai fait du RPG, donc ça fait 8 ou 9 ans qu'on se connaît maintenant. Ouais, c'est à peu près ça. Je me demande si ça fait pas 9 ans. Et ça me fait super plaisir de faire ça avec vous. Je trouvais ça important. Ça met un peu en confiance aussi. Je propose qu'on commence par se présenter. Laure, ça te dit ? Ok. Ouais, carrément. Moi, je suis chaude. Oh là là, ça y est, ça commence. Doucement, enfin. Ça y est, elle a commencé sa présentation. Donc, moi, c'est Laureline, ou Laure pour les intimes. Sur les net, mon pseudo, c'est Drassir, et c'est un pseudo qui me suit depuis 10 ans, je dirais, un peu plus de 10 ans maintenant. Ouais. De base, j'ai commencé le RP il y a 14 ans, j'avais 10 ans, parce que là, j'en ai 24. Et puis ouais, donc j'ai commencé le RP à 10 ans, je sais même plus trop comment c'est venu. J'ai un père qui faisait du jeu de rôle. Moi, j'aimais bien écrire, et du coup, je crois que le lien s'est fait tout seul, un peu comme ça, force de recherche. Et puis, j'ai commencé sur des forums animaliers. Parce que j'étais, j'avais 10 ans, en même temps, faut pas trop m'en demander. J'étais ultra fan des loups, donc en effet j'ai commencé avec ce genre de forum. En plus, je me souviens, il y avait déjà des prédéfinis. C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier pseudo en fait, parce que c'était le nom du loup que je jouais en fait. Plagiat, putain, c'est pas un truc à monter ou quoi. Ouais, c'est un hommage parce que plagiat c'était Moon Song. J'ai oublié ce nom. Bon, au moins, c'était pas un forum équitation. J'en ai fait. J'ai fait les fameuses aussi écuries virtuelles, là. En RPG? Alors, c'est plus vraiment... Enfin, je dirais plus que c'est forcément du RP. C'est vraiment... je sais pas comment je définirais ça, mais tu... C'est plutôt, limite, t'achètes les chevaux, tu fais ton élevage, tu les emmènes voir le veto, il y a des compétences, ce genre de trucs. Finalement, la partie écrite est beaucoup moins développée. Je dirais pas que c'est du RP proprement parlé, quoi. Okay. C'était sur du forum? Ouais, c'était sur des forums quand même. C'était sur, Parce que j'ai souvenir d'une écurie virtuelle, là, je crois que ça s'appelait Equideo. Là c'est vraiment un jeu, donc non c'était vraiment aussi, sur forum. C'est à ça que je pensais. Mais okay, le principe est un peu le même au fond. Hein. En fait c'est juste t'arrivais sur le forum, tu décidais que t'allais être vétérinaire, donc tu faisais tu rédigeais des tout petits textes pour dire que tu faisais les soins sur les chevaux des autres, tes propres chevaux tu les emmenais voir le maréchal Ferrand, enfin ce genre de conneries quoi. Et donc il y a un peu le délire, il y a un peu d'écriture, mais je parlerai pas de RP quoi, parce que t'avais pas vraiment d'échange entre personnages quoi. Okay. Et du coup c'est quoi ton dernier forum un peu là mon dernier forum actuel? Ouais, bah oui. Là du coup je suis sur un forum futuriste futuriste quoi. Je veux dire ça. Et c'est mon forum. Et c'est son forum. Mais est-ce qu'il y a des chevaux, c'est ça que je veux savoir. Non, il y a pas de chevaux. Je sais pas s'il y a des chevaux, tiens, je me suis jamais posé la question. Je sais qu'il y a des moutons, il y a des trucs comme ça, mais je sais pas si bref. Des trucs comme ça. Et du coup non, les forums animaliers finalement ça n'a pas duré si longtemps que ça, j'ai peut-être fait peut-être 3-4 ans quand même, mais à ah côté, oui. Ouais, non, mais à côté, assez vite, genre, je sais pas, au bout de 2 ou 3 ans, j'étais passée aussi en même temps sur, vraiment des fois où tu jouais des humains, quoi. Avec, par contre, les avatars type dessin, manga, etc. Mais je traînais sur ce genre de forum. Et puis voilà. Par contre, après, je suis clairement restée. Je fais toujours le même type de forum. Moi, je suis très médiéval fantastique. Ouais. Okay. C'est vraiment, c'est l'univers de prédilection. Je jure que par ça, globalement. J'ai fait des exceptions par-ci par-là, mais c'est vrai que c'est le genre de forum où j'adore foutre les pieds continuellement, quoi. Même si, bon, pour le moment, j'en ai pas. Mais c'est parce que c'est une annonce. Non, bah c'est non, vrai que bah non, justement. Non, ce n'est pas une annonce. J'aimerais la garder, s'il vous plaît. Parce qu'une fois qu'elle se lance dans Medieval Fantasy, on l'a perdue. Bah d'autant plus que c'est vrai que bah maintenant, autant à l'époque, je pouvais être sur plusieurs forums à la fois, ça me posait pas de problème. En plus, j'étais hyper active, peu importe le nombre de lignes que je faisais, parce qu'au début je faisais 2 lignes, mais très vite j'ai pu commencer à faire du 3000 mots, etc. quoi. Et j'étais très active partout sur plein de forums, mais actuellement c'est un forum et j'arrive pas à aller sur plusieurs forums en même temps, en fait. Je peux plus. Le mélange d'univers, c'est quelque chose qui me perturbe trop. J'arrive pas à basculer de l'un à l'autre. Ouais. Du coup, je me contente d'un seul forum, le tien. Ah. C'est très bien pour le moment. Il y a trop d'amour. Ah, je sais. Déjà, ailleurs, j'ai réussi. Je l'ai convaincu à venir sur un truc de SF, alors. Ouais. Elle m'a convaincu aussi de faire partie du staff, parce que. C'est pas quelque chose que je fais non plus. J'aime pas ça. J'ai été dans 2 staffs, je crois. Ça s'est super mal passé, donc je fais plus. T'as fait quoi dans ces staffs-là? Systématiquement, plus ou moins, avec parfois un peu plus de responsabilité dans le sens où je pouvais potasser aussi ce truc, mais globalement juste modo. Mais voilà quoi. Non, jamais admin, j'ai jamais codé, j'ai jamais graphé, j'ai jamais rien fait de tout ça. T'étais une membre exemplaire, quoi. Enfin, t'étais une membre. En vrai. Sur qui on pouvait compter les pots. Non, mais en vrai, c'est vrai que globalement sur les forums, je préfère faire ça. Je préfère dire que je contribue au forum en étant active dessus, en répondant aux questions quand on m'en pose, en causant avec les autres membres, en faisant vraiment ma part, quoi, en tant que membre, quoi. C'est rare, ceci dit, parce que je sais pas si c'est une impression ou si parce que je suis entourée que de ce type de personnes-là, mais je crois que les RPG, ce que je connais en général, ils ont tous été modo ou peut-être au moins une fois admin et se sont lancés. Et je crois que vous êtes toutes les deux les seules que je connaisse qui sont plus membres. Alors je sais pas pour toi, Cam, ça se trouve, je ne connais pas ton passé et t'as des. t'as des révélations à me faire pour plus tard. Mais en général, j'ai l'impression que les gens touchent un peu de tout. Bah, c'est vrai que moi, non, mais parce que j'ai pas l'intérêt. C'est vrai que je pense que, de base, j'ai commencé le RP pour le RP, et c'est vraiment la seule chose qui m'intéressait, quoi. C'était d'écrire, rencontrer des gens, et puis, même me focaliser finalement sur mon petit bordel. T'avais déjà assez à gérer avec toi-même pour. Tu mets ça. Moi, j'ai 3000 mots. 25 personnes. Écoute, moi je l'ai connue au moment où elle faisait 3000 mots, je te jure que tu faisais pas la maline. mais c'est vrai que voilà, j'aime bien faire mes petits RP, ce genre de choses, et j'aime pas forcément me soucier du reste, même finalement, genre je pourrais m'inscrire sur un forum où il y a très peu d'intrigues ou ce genre de choses, j'ai pas besoin tienne la main, entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein. C'est que voilà, je fais mon truc un peu dans mon coin parfois, et puis ça me convenait bien, du coup. J'ai jamais cherché à faire partie d'un staff ou à contribuer de ce genre de façon, vu que de toute façon, c'était pas en accord avec ma mentalité et mon comportement sur les forums. Pourquoi? De toute façon, mieux vaut être un membre bien présent plutôt qu'un modo, un admin. Ouais, carrément. Ouais, un petit pas peu à raté, doros, mais quoi. Raté, c'est. Ouais, voilà. Raté, c'est dans le sens qu'arrive pas à tenir sa promesse, quoi, parce qu'il en faut peu pour faire couler. Pour faire couler un peu la barque, quoi. Ouais. C'est ça. Ça peut vite tourner au vinaigre. Et du coup, on parlait du fait que tu faisais 3000 mots, etc. C'est plus trop le cas en ce moment, si je m'avance pas trop. J'aime bien, elle pose la question, mais elle connaît moi, parfaitement la sais, réponse. Moi, je le sais, mais dis-le aux autres. Moi, je le sais pas, ouais, moi, je le sais pas. Ouais, Cam, je le sais pas. Non, alors, non, c'est vrai que les 3000 mots, coup, c'était vraiment, c'était quand même une autre époque. Je peux toujours, ça m'arrive de faire quand même encore ces longueurs, mais ce sera beaucoup plus rare. Maintenant, si on parle de longueur, je fais entre 1000 et 2000 mots selon inspiration. C'est vrai que je fais rarement moins, parce que j'ai beaucoup de mal. Moi, j'arrive pas à faire spécialement court. Alors, il n'y a pas de problème à faire court, hein. Je m'en contrefous. C'est une torture de lui demander 1000 mots. Mais, ouais, c'est vraiment dur pour moi, parce que, je développe énormément les pensées de mon personnage. Je fais pas forcément des descriptions physiques, entre guillemets. Je vais pas décrire une pièce. C'est pas le genre de description que je fais, mais j'évoque énormément les pensées de mon personnage et ses sentiments. Et, mine de rien, ça prend la place. Ils pensent beaucoup, après. Dis donc, c'est des gens qui ont la place. Ouais, ou alors c'est des gros dépressifs ou des gros rageux qui ont beaucoup à dire, tu vois, mais. Alors, quand les deux sont combinés, je te raconte même pas. Ah, ça. Des rageux dépressifs? Ouais. Du coup, t'as dû faire du 4000 mots, non? Franchement, mes RP les plus longs, donc 3000 mots et tout, généralement, en plus, c'est des RP avec, genre, le ship, quoi, et ça se passe mal, tu vois, la crise de larmes dans le couple ou ce genre de conneries. Et là, forcément, j'atteins de sacrées longueurs. Maintenant, un peu moins. Mais c'est vrai que me demander de faire court, par contre, c'est compliqué. C'est vrai que, je sais que, voilà, sur des forums, de plus en plus, je trouve, en plus, maintenant, on va te demander, pour des intrigues, des events et tout, de faire assez court pour que ce soit, pour que tout le monde se tape pas une lecture de ouf, déjà, et aussi, pour que ce soit un peu plus rapide et tout. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, quoi. Je me force, je me fais violence, mais j'ai beaucoup de mal. Mais tu crées la tendance, événement à 1000 mots, hein. Moi je voudrais bien, mais je crois qu'on s'y ouvrait pas beaucoup. Hein. Ouais. des gens qui ont besoin de faire beaucoup de mots. Enfin, je crois que t'es toujours resté une exception dans les personnes que je connais. Du coup, ça te flatte, je sais, mais. Mais c'est vrai que quand tu dis. Enfin, j'ai l'impression que quand tu demandes aux gens de faire pas beaucoup de mots, ils sont en mode ok. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui a évolué. Avant, je trouve qu'au contraire, il y a vraiment la mode, et puis on demandait à ce que ça fasse long, quoi. Oui, et je pense qu'il y a une pression aussi qui s'est installée pour ceux même qui voulaient pas forcément faire ces longueurs-là. Alors que maintenant, tout le monde prend un peu plus de recul là-dessus, et ça fait que tu peux plus facilement faire court, quoi. C'est vrai que moi, par contre, je reste dans mes longueurs parce que j'aime faire mes longueurs. Après, si ça dérange, j'oblige personne à RP avec moi. Laure est une fan de natation. Pardon. J'ai été obligée de la faire. Je sais pas la faire. Je l'ai fait pour toi. Tu me déçois. Merci. Franchement, c'est à toi normalement de faire ce genre de blagues. J'y pensais tellement pas. Vous êtes grave. Je te voyais en train de nager depuis tout à l'heure. Ah ouais, moi aussi. tu nous as pas trop parlé la natation. Je me contente de la brasse, honnêtement. Ok. Le papillon. Est-ce que les gens autour de toi, dans la vraie vie, savent que tu es RP? Oui. Alors, il y a pas beaucoup de gens autour de moi. Soyons honnêtes, je suis pas la meuf qui a la vie sociale la plus palpitante. Pas que ça me gêne, hein, loin de là. Mais sinon, déjà forcément, j'ai commencé à 10 ans, donc mes parents surveillaient un peu ce que je faisais sur le net, donc ouais. Ils ont vite su que j'en faisais, et puis ça posait pas de problème de toute façon, parce que père qui fait du jeu de rôle, c'était normal, quoi. Ouais, t'étais déjà un peu dedans, donc c'était plus facile pour aborder le sujet, quoi. C'est ça, quoi. Après, forcément, comme j'étais gosse, fallait faire gaffe à mes fréquentations et puis ce que je disais, etc. Genre, pas balancer son adresse directement à un inconnu. mais voilà, donc du coup, eux le savaient. Après, par contre, pour ce qui était d'en parler aux autres, genre les potes à l'école, collège, même après, en fait, ça a toujours été beaucoup plus compliqué, dans le sens où déjà personne comprenait. Je leur expliquais, et puis on y reviendra, mais j'essayais de leur expliquer ce que c'était, etc. Généralement, on me regardait comme si j'étais un peu bizarre, en fait. Il y en a même une, je me souviens, au collège, qui m'a regardée et puis qui m'a dit très franchement, t'as des jeux bizarres. Donc, Le ça RPG, va, bon. N'est-ce pas un jeu bizarre de toute façon en soi? Ouais, ouais, mais c'est vrai que ça m'avait marqué. Donc, je me cache pas d'en faire. Après, c'est pas forcément quelque chose... Genre, je vais pas forcément aborder ça dans une conversation d'un coup en disant « Hey, salut, ouais, je fais du RP. » Enchantée. Voilà. Non, mais c'est vrai, t'abordes pas ça. Je sais pas, moi, tu ferais de la planche à voile. Ça serait plus facile de dire « Hey, moi, je fais de la planche à voile que « Hey, moi, je fais du RP. » Ouais, voilà. Bah, après, encore, franchement... Ça vient plus facilement dans une conversation, la planche à voile, que le RPG, bizarrement. Mais... Si on me demande mes loisirs ou mes hobbies, je case la lecture et je case le RP derrière, du coup. Mais ouais, ça passe bien comme ça. Mais c'est vrai que voilà... Mais je m'en cache pas, si on me demande, je réponds. Non, clairement pas. Puis après, soit ça trouve bizarre. De temps en temps, il y a quand même des personnes curieuses, quoi, qui se demandaient, ah bah tiens, ok, bah qu'est-ce que c'est? J'ai même une fois, en primaire en plus, hein, donc une fois, j'ai réussi à une pole qui a voulu essayer, en fait, pour voir ce que ça donnait. En primaire? Mais t'as commencé en primaire, du coup, à 10 ans? Bah ouais, 10 ans, j'avais pas, genre, fin primaire, tu vois. CM2, ouais. 11 ans, tu commences le collège, à peu près. Ah putain, ouais, ah ouais, t'as vraiment commencé donc, ouais. Super tôt, je m'en rendais pas compte. Ouais, j'ai commencé jeune. Et du coup, bah, elle avait voulu essayer. Bon, finalement, elle a pas du tout aimé, etc. Mais c'est la seule, voilà, vraiment, par exemple, j'ai pu convertir ou quoi. Et c'est vrai que sinon, j'ai jamais rencontré de personne, genre, dans la vraie vie, au premier contact, qui faisait du RP, en fait. C'est ouais. Toujours, j'ai rencontré des personnes en faisant du RP, et puis ensuite, on s'est vu en vrai, ou ce genre de choses. Mais j'ai jamais rencontré une personne en vrai qui m'a ensuite annoncé faire du RP, par exemple. D'accord. Et puis, ouais, du coup, en parlant des gens que t'as rencontrés sur le RP, tu t'as gardé pas mal de contacts avec les gens avec qui t'as aidé. Outre si moi, je pense voyons... pas que c'est ma meilleure amie, je suis foutue. Genre, non, je te rappelle, pas... ça fait 9 ans qu'on se connaît. Donc, du coup, oui. Alors après, j'ai pas gardé tant de contacts que ça, parce que c'est vrai que bah, je suis pas douée pour ça, en fait. C'est... Ou parfois aussi, c'est que tu rencontres des gens sur des forums, et personnellement, ben... ça se passe bien au niveau du RP, ça se passe bien sur le forum et tout, et après tu te rends compte que t'as pas de point commun en dehors du RP, en fait. Ouais. Et ça fait que bah si par exemple le forum cool et que vous êtes plus, vous partagez plus le RP, ben bah, après c'est le vide. Et bah du coup, je me suis séparée de pas mal de personnes pour ça, en fait. Mais du coup, est-ce que ouais, c'est la question, c'était ça. Est-ce que tu gardais facilement contact avec les gens non. Que tu rencontrais sur le RP? Non. Globalement non. Ben franchement, à part toi. J'ai une autre, je connais une autre personne. Alors on est pas très proches, genre on discute pas souvent ensemble, mais genre sur Facebook, on s'envoie des messages une fois dans le mois, quoi, un truc du genre. Ouais, histoire de prendre des nouvelles. C'est ça. Elle, je la connais depuis, bah franchement, depuis plus de 10 ans. Je crois que. Je suis pas la ouais, première. Non. Ah ouais, non, c'est pas la première techniquement. Elle, ça va aller, Kim, ça va aller. Elle, non, je l'ai rencontrée sur les forums loups justement. Donc, j'arrête l'émission. Non, mais si tu veux, je peux dire que je te connais depuis 14 ans. Pour le show, je peux le faire. Mais voilà, sinon après, bon voilà, il y en a une autre que je connais depuis 4 ans. Mais sinon, je dirais que c'est tout, quoi. Ou bien alors. Ouais, je vais peut-être retrouver une personne là au détour d'un forum par pur hasard, mais on n'aura plus été en contact depuis un bon moment. D'accord. Okay. Putain, c'est bien, t'as fait le tour par toi-même et tout. Franchement, elle a mené ça comme une chef. Hein. On voit qu'elle fait beaucoup de natation parce que. Je fais bien mes longueurs. Ah ouais, franchement, bien. Bien, putain. J'ai même appris des trucs, t'as vu? Même après tout ce temps. Que t'étais pas première, ça fait ouais. Pas trop mal. Ça va. Je bah, du coup, c'est fini là. C'est fini là. On peut bouffer. Oh, l'impatiente. Qu'est-ce qu'il y a, Cam? Tu veux. Mais non, mais j'étais à fond, j'étais vraiment en train d'écouter. Et du coup, j'étais en mode, c'est pas fini. Non, je sais pas de quoi on n'a pas parlé sur toi. Est-ce que. Alors, je sais. Je pose la question parce que je te connais, mais ça peut être sympa à parler. Tu aurais un personnage préféré? Bah alors oui, parce que c'est vrai que ça c'est aussi une autre particularité. J'ai l'impression, enfin je retrouve très peu de personnes qui font comme moi, c'est que je joue tout le temps les mêmes personnages. J'ai, enfin je veux dire en commun, mais j'ai genre 3 personnages on va dire en réserve et je les ressors selon les contextes etc où leur caractère serait un peu compatible quoi. Et je les ressors sur les forums. Mais voilà, je joue pas un personnage différent à chaque fois. Je sais pas faire du tout, ça me casse les couilles. Oh. Non, mais c'est vrai que moi, j'arrive pas. J'ai besoin, en fait, j'ai besoin de pas sortir. J'aime pas sortir de ma zone de confort. Et du coup, ces personnages-là, depuis le temps, c'est les personnages que je sais jouer, où j'ai pas besoin de réfléchir pour RP avec. C'est très instinctif. Du coup, bah, c'est vrai que je les ressors régulièrement. Et en effet, bah, j'ai un personnage fétiche. bah, c'est simple. Mon pseudo vient de là, quoi. Parce que c'est, bah, Drassir Linas. C'est un personnage que je joue pas pareil depuis 10 ans. Voilà, pas continuellement, mais elle ressort régulièrement, quoi. Ouais. Et c'est vrai que bah c'est mon personnage préféré parce que bah c'est celui qui me ressemble le plus, qui me tient le plus à cœur. Et bon, en plus visiblement, c'est aussi celui que les autres kiffent le plus, donc on dit tout son compte. Mais alors, du coup, j'ai une question. Oh, putain, elle peut poser des questions elle aussi. OK. Non, mais en vrai, comment tu fais? Bah, parce qu'en vrai, c'est chaud, surtout si t'as des contextes assez spécifiques comme Heroic Fantasy, comme futuriste et tout. Comment tu fais pour adapter tes personnages à tes contextes, en fait? Je dirais que globalement, ils ont une personnalité, alors plus ou moins fixe, enfin, t'as des traits de caractère prédominants. Et c'est juste qu'en fait, selon les contextes, après, faut pas que ce soit forcément trop éloigné non plus. C'est vrai que par exemple, bah c'est aussi pour ça je pense que je vais surtout par exemple sur des univers médiévaux fantastiques parce que bah finalement c'est plus facile d'adapter ça que de passer de ça à un truc futuriste, tu vois. Ouais, mais alors du coup ce qui se passe c'est que tu gardes le caractère et que tu gardes le caractère. Un peu l'histoire. Ouais, bah l'histoire du coup change, mais au final c'est les traits de caractère vont se justifier d'une façon différente. OK. Genre je sais pas, bon voilà, ça va être une connasse pour telle raison sur le forum, pour une autre raison sur un autre forum, ce genre de truc. Mais au final, tant que c'est une connasse à la fin, je suis contente, quoi. OK. Grosso modo. Après, si je peux garder des trucs de l'histoire similaires, bah c'est encore mieux, hein, forcément. Moi je peux retoucher à ma fiche, mieux c'est. Mais voilà, mais je peux facilement adapter en vrai tant que je garde un peu le caractère de base, quoi. C'est vrai que au début, quand tu faisais ça, je trouvais ça assez comment dire. Bah c'est cool, bizarre. Mais je trouvais ça bah déjà bizarre, ouais. Et puis et puis des fois, je me disais que c'était super dommage parce que j'arrive pas à le dire. Cantonnais. qu'à un seul personnage alors que tu pouvais en exploiter plusieurs. Enfin, tu pouvais faire plusieurs choses selon le contexte. Et en fait, plus ça allait, plus je me disais, putain, mais c'est quand même super impressionnant d'arriver à garder juste un personnage et de le rendre bien, qu'importe l'univers. Et je me rends compte que ces dernières années, par exemple, moi, je ressors tout le temps les mêmes personnages aussi. Enfin, tu le vois bien. J'utilise toujours les mêmes. Ou alors, c'est le pattern est toujours plus ou moins le même parce que bah, tu trouves un peu ton confort. Et puis bah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être... Bah, c'est ça, à partir du moment où c'est ce que t'aimes jouer, etc. C'est pour ça qu'après, je sais qu'il y a, voilà, il y a des gens qui, en effet, ont besoin des trucs très variés et des trucs différents à chaque forum. S'ils y trouvent leur compte et que c'est ce qui leur fait plaisir, bah c'est tant mieux. Mais c'est vrai que moi j'aime bien ce personnage-là, j'aime le jouer, j'aime ce que je fais avec. Du coup bah je le rejoue ailleurs parce que bah je sais que c'est ce qui me fait kiffer, donc bah je me prends pas la tête et puis bah je le rejoue. Alors qu'au contraire, justement, créer un autre personnage, bah déjà faut réfléchir, ça m'énerve, j'aime pas. En fait, je suis une grosse feignasse. Faut dire que tout ce que je fais sur les forums, c'est guidé par ma flémardise intense. Tu donnes tellement envie de jouer avec toi. donc je rejoue le même personnage parce que bah voilà, j'ai pas à réfléchir sur un autre, j'ai pas à me prendre la tête aussi au début quand tu sais pas trop ce que tu fais avec, enfin le temps de prendre en main le personnage, quoi, finalement. Donc ça, j'ai pas ce problème parce que bah je sais. C'est vrai que tu t'enlèves donc, cette étape un peu d'adaptation quand tu vois. Je pense qu'on a tous eu ce passage où quand tu commences. Ouais, ce moment casse-couille, oui, on peut le dire. Pendant un ou deux RP, tu sais pas trop comment écrire, comment il va penser, comment il va parler. Et tu t'enlèves cette étape, quoi. Au moins. Voilà, c'est ça. Surtout que je pense que au fond, on fait tous des personnages. Enfin, on a tous un type de personnage quand même si on les fait varier, etc. Je pense qu'il y a toujours des petits trucs qui reviennent quand même. Enfin, moi, je trouve que voilà, les RPGistes que je connais depuis longtemps, je trouve toujours des similitudes entre leurs personnages. Et c'est normal, quoi. Mais je sais plus où je voulais en venir. Bravo. Non, mais tu peux conclure là. C'était très bien. Je trouvais. Voilà. Bon, bien, bah, alors je m'arrête là. Non, bah, faut conclure ta réflexion. Mais, non, mais je sais plus ce que je voulais dire. Ça m'en aura. Je vous couperai la parole au pire si ça me revient. Est-ce que je change complètement, mais je me dis que pour finir, ça peut être marrant. Est-ce que tu aurais un coup de gueule ou un coup de cœur du moment? C'est très générique comme question, mais genre, est-ce qu'en ce moment... D'accord, je peux parler de n'importe quoi. Tu peux... non, bah, plutôt de RPG, parce que c'est... Oui, oui, bien sûr, mais ok. Le prêt du Starbucks. Pas de natation, par exemple, tu vois. La question prend un peu du pourvu. Un coup de cœur ou un coup de gueule. Est-ce qu'il y a un truc en ce moment que t'aimes bien, ou un truc qui te dérange un truc que t'aimerais faire, je sais pas, ou un truc que t'aimerais plus faire, ou un truc que t'aimerais améliorer, je sais pas, est-ce que... Non, ben... non. J'aime bien la prendre au dépourvu, comme ça. Ah non, mais grave, ça, il aurait fallu me le dire à l'avant. Parce que j'ai senti que t'avais un peu préparé tout ça, tu vois. Et je me suis dit... j'ai une page Word sous les yeux. 2000 mots. Fait ses devoirs. Non, attends, combien Non, alors techniquement, pour me présenter, j'ai 50 mots. Par contre, pour après, j'ai 300 mots. Voilà. Mais la présentation, c'est ça. Petite longueur, hein. Petite longueur. Un petit crawl. Un petit crawl. Donc, non, non, j'ai pas spécialement de coup de gueule, à part si, potentiellement... Ah, tu vois, t'en as... Alors, c'est pas quelque chose qui me gênait avant, forcément, parce que j'étais du bon côté de la barrière. Maintenant, je suis du mauvais côté de la barrière. Et donc, foutez la paix aux gens qui font long, s'il vous plaît. Parce que, par effet, je veux dire... Que ce soit quelque chose qui vous branche pas, il y a pas de souci. Si vous aimez pas par exemple RP avec des personnes qui font des longs RP, ben ne RP pas avec moi, il y a pas de problème. Mais arrêtez de les blâmer de faire long, hein, en disant oui, la quantité ça veut plus rien dire, m'en fous, laissez-moi faire ma longueur. Laissez-moi faire ma natation. Laissez-moi nager en paix. C'est ça, merde. Il y a pas de problème, il y a pas de problème à faire court, il y a pas de problème à faire long, merde. C'est une petite mamie dans son bassin. C'était un très bon giggle, j'approuve. Voilà. Moi aussi, j'approuve. Potentiellement. D'accord.